إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالحمد لله اللطيف بعباده الذي يعلم سرائرهم فَيَعْلَمُوا مَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا يَدُرُّهُمْ. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui connaît tout concernant ses serviteurs. Il connaît tous leurs secrets. Il sait ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais pour eux. Allah le Très-Haut, il dit أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Ne connaît-il pas sa création? Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Alors qu'il est اللطيف, celui qui connaît les choses les plus cachées. الخبير, celui qui connaît toutes choses. اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. لِذَا بَيَّنَ لَهُمْ أنهم قد يحبون شيئا يضرهم لجهلهم به. Et c'est pour cela que il leur a montré que il se peut qu'ils aiment quelque chose qui en réalité leur fait du tort. Et ça par leur ignorance concernant cette chose. Il dit تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Comme il dit, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah, il sait alors que vous ne savez pas. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. عِبَادَ اللَّهِ أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لدلالة الخلق على ما فيه صلاحهم ولتحذيرهم مما يضرهم. Ô serviteurs d'Allah, Allah a certes envoyé ses prophètes, il a envoyé ses messagers vers les gens pour leur montrer ce qui est bien pour eux et pour leur mettre en garde contre ce qui est mal pour eux. أخرج الدارمي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنه ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. L'imam al-Dahlimi a cité dans son recueil, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il n'y a aucun prophète qui soit venu avant moi. sans qu'il n'était un devoir pour lui de montrer à sa communauté les meilleures choses qu'il connaît pour eux et de les mettre en garde contre les plus mauvaises choses qu'il connaît les concernant. Fait El Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayyana lana kullu ma yanfa'una. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré tout ce qui nous est profitable. Wa hadharana min jami'i shurur, et il nous a mis en garde contre tous les maux, contre toutes mauvaises choses. Fa ahyana bayyana dhalik wa fassala ukhra. Afwan wa ammama ukhra. Et donc parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a détaillé les choses. Il les a expliquées de façon détaillée. Et d'autres fois, il les a expliquées de façon générale. Fa'atana al-mafatih allati man tamassaka biha naja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a alors donné les clés dont celui qui s'accroche à celle-ci aura réussi. Celui qui s'accroche à ceci sera sauvé. فمن هذه المفاتيح يا عباد الله حديث أخرجه الترمذي في سننه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Et parmi ces clés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, donc si nous nous accrochons à ces clés, nous allons réussir. Parmi ces clés, il y a un hadith très important rapporté par Darimi dans son recueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Abu Dhar qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, crains Allah où que tu sois. Où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action d'une bonne. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure façon. Comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Ya ikhwa, linata ammal al-yawm fi hadha al-hadith. Méditons aujourd'hui sur ce hadith, sur cette clé. Si tu t'accroches à ce hadith, si tu t'accroches et que tu l'appliques correctement, tu es sauvé. Ittaqillaha haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. Fil masjid, crains Allah quand tu es à la mosquée. Fil amel, quand tu es au travail. Mais un ousratik avec ta famille, dans la rue, quand tu conduis, crains Allah où que tu sois. Mais attention, il est beaucoup plus facile de craindre Allah quand on est à la mosquée tous ensemble. Et c'est pour cela que cette parole générale englobe al-sir wa al-alan. Les moments où tu es seul en secret. Et le moment où tu es accompagné, en public. Fais ta qu'illa, alors crains aussi Allah quand tu es seul. Fi roule fatigue, dans ta chambre. Fi amalik, hina matakounu wahdek, au travail quand tu es tout seul. Fi mektabik, dans ton bureau. Fi seyaratik, dans ta voiture. Fi jawalik, dans ton téléphone. Crains Allah concernant ton téléphone. Ce que tu fais avec, ce que tu écoutes avec, ce que tu regardes avec. Ittaqillaha haythu ma kunt. Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges de ceux qui le craignent. Tout le temps. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Certes, ceux qui craignent leur Seigneur lorsqu'ils sont seuls, ils ont un pardon et une grande récompense. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu. innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فإذا علمتم أنه يجب علينا التقوى في كل زمان ومكان اعلموا أن بني آدم خطا. Si vous avez compris que nous devons craindre Allah à tout instant et à tout lieu, alors sachez que les enfants d'Adam font tous des fautes et des péchés. Nous sommes tous faibles et nous faisons tous des fautes et des péchés. لذلك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة العظيمة بالطريقة المثلى لمحو السيئات. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait suivre ce bon conseil par la meilleure des façons pour effacer les mauvaises actions. Il nous recommande de craindre Allah azza wa jalla. Nous devons déjà craindre Allah. Mais ensuite, si tu tombes dans un péché, qu'est-ce que tu fais? Atbi' as-sayyi'ata al-hasana. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne. تمحوها الليفاس. عباد الله قالت العلماء في الكبائر أنها توجب التوبة وهذه التوبة هي الحسنة في حقها. Au serviteur d'Allah, les savants, ils ont dit que concernant les grands péchés, le serviteur, il lui incombe de se repentir. Et se repentir, dans son cas, ça sera la bonne action. Les grands péchés comme le mensonge, la fornication, l'usure, al-riba ou autre. Concernant ces grands péchés, il est obligatoire de se repentir. Et se repentir, c'est ça la bonne action. Wa amma as-sara'ir fal-a'malu as-salihah tamhuha. En ce qui concerne les petits péchés, alors les bonnes actions que tu accomplis tous les jours, elles vont effacer ces petits péchés. Comme on l'a entendu dans ce hadith. Wa kama fi qawlillahi ta'ala, et aussi comme dans la parole d'Allah, lorsqu'il dit innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Fa akthiru ya ibadallah min hadhihi al-a'mal as-salihah. Et donc, accomplissez beaucoup de bonnes actions au serviteur d'Allah. Thumma ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ببيان عمل من أعمال الخير. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fini ce hadith, ce conseil, en nous citant un exemple, ou en nous citant un exemple, une bonne action. Il a dit وخالق الناس بخلق حسن, et comporte-toi avec les gens de bonne façon. كثير من الناس beaucoup de gens sont distraits de cette action, de cette bonne action, le fait d'avoir un bon comportement. أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. At-Tirmidhi a cité dans son recueil, selon Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant ce qui fait le plus rentrer les gens au paradis. Il a dit taqwallah, on revient au début du hadith, la crainte. Taqwallah wa husnul khuluq, la crainte d'Allah et le bon comportement. Ce qui fait le plus rentrer au paradis, la crainte d'Allah et le bon comportement. أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أبو داود a cité dans son recueil selon Abu Darda que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. فَهِيَ نَصِيحَةٌ مُخْتَصَرًا يَا عِبَادَ اللَّهِ. Et donc c'est un conseil qui est court. Il reste quelques mots. Quelques mots. وَلَوْ عَمِلْنَا كُلُّنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ. Si nous tous, nous œuvrons avec ce hadith, نَجَيْنَا. Alors nous avons réussi. Nous avons réussi. فَعَلَيْنَا يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ نَتَمَسَّكْ بِهَذِهِ النَّصِيحَةِ الْعَظِيمَةِ. Accrochons-nous fermement à ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réussir ici-bas et dans l'au-delà. نَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.